Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons ouvrir l'émission sur la question des revues savantes. C'est une question un peu en effervescence en ce moment. On parle de revues en accès libre et autres problèmes, autres aspects sur les revues savantes. Et voilà que le prix Nobel de médecine 2013 s'exprime contre certaines de ces revues savantes. Alors Philippe Prioux va nous rapporter les propos de ce prix Nobel 2013. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est vraiment comique de voir quelqu'un qui a réalisé tous ses rêves et qui n'a plus besoin de l'appui politique de personne et qui soudainement se retourne vers les mains qui l'ont nourri. Et, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il vient de recevoir le prix Nobel de médecine cette année et donc après avoir gagné son prix Nobel, il s'est retourné vraiment contre les journaux scientifiques qui ont donné sa notoriété et du même coup son prix Nobel. Pas vraiment, gentil tout ça, et en ce faisant, il a envoyé une onde de choc dans la communauté scientifique en disant ce que plusieurs pensaient déjà, en fait, là, qu'il y a des gros problèmes dans le système de publication scientifique en place en ce moment. Là. Mm-hmm. On l'a pas nommé, mais il s'agit de Randy Shekman, et donc, en fait, c'est lesquels ces journaux scientifiques qui ont été victimes de ce monsieur Shekman? On parle de quels journaux? C'est vraiment les gros canons, là, les plus gros canons, en fait, les revues les plus précises. Lui, il a visé Science, Nature et Cell. Mm-hmm. Cell, qui est plus, une publication focussée sur la biologie, évidemment. S'il avait été physicien, peut-être qu'il y en aurait eu une autre en tête, mais Science et Nature, c'est deux publications majeures qui couvrent tous les champs mm-hmm. de recherche en ce moment. Mm-hmm. Et c'est les publications dont tous les jeunes PhD rêvent de publier. Dedans, donc c'est vraiment important. Là. Oui, parce qu'en fait, faut dire qu'il y a des revues savantes, il y en a tout un, il y en a vraiment beaucoup, mais elles ont plus ou moins d'importance ou de crédibilité ou de valeur et une hiérarchie. Et de publier donc dans ces fameuses revues Science, Nature ou Cell, ça augmente le prestige de la personne. Alors, qu'est-ce que ce monsieur Shekman a contre ces journaux? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il ne va pas de main morte. Il a annoncé lui-même un boycott de ces journaux par son équipe de recherche, maintenant qu'il n'y a plus vraiment besoin de s'approuver. C'est ça. Il n'y a plus vraiment besoin de se prouver à qui que ce soit, mais il a appelé ces institutions-là des journaux de luxe. Et luxe dans le terme un petit peu péjoratif, très péjoratif en fait, et qui ont imposé selon lui une tyrannie qui doit être brisée. Les chercheurs étant vraiment trop préoccupés par ces journaux, veulent publier, ils coupent les coins ronds, ils font des recherches qui sont à la mode. Mm-hmm. Et pas nécessairement des recherches qui devraient être faites. Et ces journaux-là limitent aussi le nombre d'articles acceptés. Ils recherchent le splash publicitaire en sacrifiant la qualité des fois. Et de plus, il a critiqué le processus de sélection d'articles qui n'est pas supporté par des scientifiques actifs au niveau de ces publications-là. Mm-hmm. C'est souvent des ex-scientifiques, des gens qui ont très bien joué la game politique à travers tout ça et qui deviennent des éditeurs à temps plein au niveau de Nature et de Science. Mais c'était quand même des scientifiques à la base. À la base, mais la majorité ne sont plus des chercheurs actifs puisqu'ils ils ont comme emploi, dans le fond, à temps plein d'être des éditeurs. Ouais. Et est-ce que ces problèmes qui sont décriés donc par le prix Nobel de cette année, est-ce que ces problèmes ont une influence en dehors des journaux de luxe, comme ils les appellent? Oui, et disons que c'est comme un symptôme d'un gros système, là, tout ça, ce n'est qu'une partie. Il a attaqué ces journaux-là pour évidemment attirer l'attention, et il recherchait l'attention, c'est tout à fait clair dans son mouvement. Là. C'est vraiment tout un système d'évaluation de la recherche scientifique qu'il attaque, en fait, parce que c'est l'évaluation de la recherche scientifique qui donnent à ces journaux-là leur luxe et leur prestige. Et il y a beaucoup aussi de plus petits journaux scientifiques qui utilisent les mêmes tactiques. Tout le monde veut devenir un Science ou un Nature et ils recherchent le même genre d'article. Il y a un exemple de ça que ça engendre, c'est le fameux Impact Factor. C'est quoi ça? Le facteur d'impact en français, mais en anglais, on dit c'est très connu au niveau des milieux universitaires, ce qu'on appelle Impact Factor. Les journaux scientifiques calculent ce facteur d'impact en additionnant le nombre de fois que l'article qu'ils publient sont cités. Par d'autres chercheurs. Mm-hmm. Donc, la sélection des professeurs et l'évaluation de leur performance dépend énormément de ce Impact Factor-là. Ce qui est aussi décrié par M. Shekman, car le nombre de citations n'est pas nécessairement un bon indice de l'importance ou de la qualité scientifique d'un article. D'ailleurs, il y a des articles très pas bons qui sont cités très, très souvent. Et des articles faux, en fait, qui sont cités très souvent. Et ça influence dans la mauvaise direction le facteur d'impact. Ah, oui. Donc, les journaux qui sont énormément cités ont eux-mêmes, les journaux ont des facteurs d'impact, mais aussi les professeurs sont associés à des facteurs d'impact. Donc, tout ce qu'on recherche, dans le fond, c'est ça, le facteur d'impact, ce n'est qu'un chiffre, et on veut juste augmenter ce chiffre-là. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'est le boycott qu'il veut mettre en place, là, qu'il préconise, c'est un peu symbolique, parce qu'à ce point-ci de sa carrière, ça ne va pas vraiment le pénaliser, lui. Oui, tout à fait. Donc, à part ce boycott, est-ce que M. Scheckman a autre chose comme solution? Oui, quand même, on peut pas l'accuser d'être de faire qu'un boycott. En fait, il y a un boycott même intéressé, ce qu'on pourrait dire, parce qu'il appelle à une refonte du système de publication, surtout autour de diminuer l'importance de la revue scientifique dans laquelle les articles sont publiés, plutôt que les articles eux-mêmes. Il est clair que le monde scientifique aurait tout à gagner à focusser sur les articles eux-mêmes plutôt que leurs publications, pour avoir intérêt à vraiment lire les publications importantes et pertinentes. Il faut aussi comprendre que ces journaux-là sont des compagnies très profitables qui bloquent souvent leurs publications derrière des frais qui sont en place essentiellement pour protéger leur version papier. C'est un système désuet en ce moment, en 2014, tout à fait. Et M. Scheckman est lui-même l'éditeur en chef d'une publication scientifique dite gratuite et publique. Il l'a appelée eLife et elle est ouverte. Il veut vraiment faire une compétition ouverte contre Science, Nature et Cell par rapport en ce qui concerne la publication scientifique biologique. C'est un petit peu drôle quand même parce qu'on a l'impression que ce boycott de ces fameuses revues de luxe va permettre de le renflouer, lui, d'attirer du monde vers sa propre revue à lui. Oui. Donc mais à sa défense, drôle. Il ne fait pas d'argent avec ça. C'est vraiment un travail bénévole. Donc, une chance parce que sinon, on pourrait vraiment décrire un petit peu sa totale hypocrisie. Oui, c'est ça. Et est-ce que, moi, je pourrais soumettre un article à ILF, par exemple, en inventant un papier de toute pièce, un article de toute pièce? Est-ce qu'il y a donc un système de révision derrière dans son... Pour eLife, ils utilisent des éditeurs comme dans Nature ou Science. C'est juste que la différence, c'est que ici, le principe qui a fondé, disons, son journal, c'est que tous les éditeurs sont des scientifiques qui travaillent dans le domaine activement. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des collègues de travail et ce sont pas des éditeurs de carrière. Et la publication est gratuite et l'accès au journal est gratuit. Vous tapez elife.org, je crois, et vous avez accès à toutes les recherches scientifiques, peu importe où vous êtes. Si vous allez sur Nature, vous voulez lire un article scientifique, vous devez payer. Ça coûte $30, ça, la pièce. Oui, et puis si vous... à moins que vous êtes à l'Université Laval, ça, c'est tout géré. Mais c'est très profitable pour des trucs comme Science de faire ça, alors que eLife vraiment est un système public, là. Et est-ce qu'il y a d'autres options pour la publication libre et gratuite? Parce que c'est quelque chose dont on parle quand même assez en ce moment. Oui. C'est clair que dans ma tête, qu'il y a le système de publication et de partage des recherches scientifiques qui est vraiment en deux chaises en ce moment, là. C'est un monstre à deux têtes qui est créé par l'avenue des nouvelles technologies. Donc, il y a comme les nouvelles technologies qui arrivent et leurs conséquences. Et disons qu'il y a des vieilles institutions qui s'accrochent et qui survivent. Mais il existe en ce moment des plateformes qui sont pas vraiment des publications scientifiques dans le sens, disons, classique du terme, mais qui sont plus comme des archives ouvertes. La plus connue, c'est Archive, qui s'appelle ARXIV. Je pense que c'est une joke par rapport à une lettre grecque. C'est pour ça que ça se prononce Archive en anglais, ce qui veut dire l'archive. C'est un site gratuit où on peut déposer des recherches scientifiques sans restriction. C'est très utilisé en physique, en mathématiques et en sciences informatiques déjà. Toutes les grosses recherches en mathématiques et en physique sont d'abord disponibles sur Archive et ensuite republiées dans d'autres revues pour analyse et tout ça. La distinction, c'est que sur Archive, personne ne peut vraiment refuser un article pour ses conclusions. La seule chose qui se passe, c'est qu'il y a une simple vérification qui est faite pour s'assurer que il n'y avait pas une étude sur les Teletubbies qui se retrouve dans la section mathématiques appliquées, là. Mm-hmm. Dans le sens que le fonctionnement d'Archive ressemble beaucoup à Wikipédia. Il n'y a pas des choses hors sujet qui vont être... Vous pouvez pas aller saboter un article qui explique la carrière de quelqu'un, un peu dans le même genre. On peut pas écrire n'importe quoi sur Archive, mais si tu arrives à des conclusions qui sont étonnantes ou même... En fait, même si ta recherche est pas très bonne, même si elle est sur le bon sujet, ils vont la garder. Là. Donc, ça ressemble quand même beaucoup à Wikipédia qui, malgré ses critiques, reste quand même un succès incontesté de partage et d'accès à l'information. Là. C'est vrai. Mais il faut quand même que ça conserve une certaine méthode de révision par des pairs ou d'autres, là, pour vérifier que n'importe quelle recherche ne soit pas publiée. Ben, c'est parce qu'il peut y avoir une recherche qui est malmenée ou... Mais la différence revient à... Est-ce qu'on a le droit de publier tout ce qu'on veut? Et moi, je crois que la réponse est oui, mais après ça, c'est les gens qui vont décider à quel point que c'est important ou non. Et c'est là, je crois qu'on s'en va avec tout ça, c'est que c'est difficile de prévoir en ce moment comment les choses seront dans 10-15 ans. Il y a beaucoup de place à l'amélioration et je suis très heureux qu'il y ait un prix Nobel qui s'attaque à ça pour le bien de la science moderne et future. Mais la publication libre a un autre avantage vraiment intéressant qui n'est pas très discuté. C'est la plus grande facilité qu'auraient les chercheurs à publier des expériences aux résultats négatifs. Et quand je veux dire négatif, c'est on a une hypothèse, on dit on va donner, moi je travaille dans le niveau des sciences animales, on va donner telle nourriture à, je sais pas, des vaches, ça va donner tel effet. Mais finalement, l'effet n'est pas du tout là. On est un peu embarrassé, on ne sait pas trop quoi faire avec ces résultats-là. D'habitude, ce genre de résultats-là, ou bien qu'on va essayer de réorganiser notre recherche pour aller expliquer autre chose qu'on n'avait pas pensé, mais on ne va pas publier ce genre de choses-là. Alors pourtant, c'est important parce que ça éviterait que d'autres personnes refassent le même essai et puis aussi se heurtent à un résultat qui fait pas... qui apporte pas le résultat qu'ils pensaient. Exact. Les résultats négatifs sont vraiment peut-être un peu moins sexy, mais ils sont tout aussi importants et tout aussi valables scientifiquement. Et dans notre structure actuelle, pas grand revues qui vont décider de publier ça. Et donc, avec le mode de publication libre, on peut vraiment publier librement tout ce qu'on veut essentiellement. Et il y a beaucoup d'argent de recherche qui va pas finir en pas de publication et donc pas d'information. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ça et je souhaite beaucoup de succès à Archive pour la science, mais je souhaite quand même aussi du succès à Nature et à Science, puis je leur souhaite en fait de retrouver un chemin qui leur conviendra dans l'avenir. Mais je crois que ça va se faire en se transformant. Ça serait intéressant, par exemple, que ce genre de trucs-là comme Archive et Nature aient puisé des articles dans ces archives-là, mais eux font des reviews, font des analyses, en parlent, font des analyses plus en détail, et deviennent dans le fond un journal scientifique focusé sur les publications scientifiques. Mm-hmm. Et je crois que c'est là que ça s'en vient. C'est sûr, par contre, que c'est beaucoup moins payant pour l'instant, et c'est pour ça qu'ils vont pas vraiment le faire sans résistance. Ils vont résister et on devra malheureusement les pousser à le faire. Ouais, ben on voit qu'il y a quand même une grosse réflexion à faire sur les publications scientifiques. C'était la semaine dernière, où il y a deux semaines, notre chroniqueuse Bérangère aussi avait parlé de la publication scientifique en Chine aussi. Oui. On parle de leur prix exorbitant aussi, ça coûte énormément cher aux bibliothèques universitaires de s'abonner à ces revues. Ce qui s'est passé en Chine est en fait une conséquence directe du système en place en ce moment. Mm-hmm. Le genre de fraude qu'on a vu en Chine n'a pas de raison d'être si ce n'est que du système actuel en ce moment. Exactement. Puis bon, il y a le facteur d'impact et ses dérives, l'accès libre, la publication des résultats négatifs, comme tu le disais. Bon, alors, on peut pas non plus publier n'importe quelle recherche sans vérifier la qualité de la recherche aussi. Donc, c'est une réflexion à suivre. Alors, merci Philippe de nous donner des éléments pour nous-mêmes faire notre réflexion. Merci à vous et de retour en 2014. Ben oui. Alors, en attendant 2014, on va passer en musique sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous emmène dans le delta de la Saskatchewan.